Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus d'80s le podcast. Alors pour ce nouveau cadeau bonus, je reçois Spades. Est-ce que ça va, Spades? Salut. Salut, salut. Très bien, et toi? Oui, écoute, oui. Et je reçois Imraj. Est-ce que ça va? Hello, ça va très bien, ouais, merci. Bon, Imraj, de retour après quelques numéros sans toi, donc nous avons rassuré régulièrement tes fans, mais tout va bien. Vous avez essayé de me kicker après ma prise de pouvoir sur Freddy, et du coup, voilà, je sors à peine d'un mauvais rêve. Eh oui, c'est ça, exactement. Bon, messieurs, aujourd'hui, on va envoyer du muscle, on va parler de Conan le Barbare. Et non, ça changera un peu des Goonies. Bon... Alors, bah, Conan le Barbare, c'est un gros dossier des années 80, dans tous les sens du terme. Donc, on va déjà parler un peu de ce personnage de Conan le Barbare. Alors, il faut savoir que Conan le Barbare est aussi appelé Conan le Cimérien. Voilà. Ou Connard le Barbant, mais ça, c'était la blague quand j'étais gamin. Je me doutais qu'elle allait arriver à un moment, celle-là. Je sais pas pourquoi. Ah, voilà, je la place dès le départ. Non, mais comme ça c'est fait, voilà. Donc, il faut savoir qu'à la base, il s'agit de nouvelles qui sont écrites par Robert E. Howard dans les années 30. Donc, tout cela a été publié dans un magazine qui s'appelait Weird Tales. Voilà, il y a également des récits. On peut dire que c'est un peu lui qui a donné naissance à l'heroic fantasy. C'est pas vraiment l'heroic fantasy moderne. Ouais, voilà. Voilà. Avant Robert Howard, il y avait déjà Abraham Merritt qui a posé les bases de ce qu'est l'heroic fantasy moderne. Donc à la fin du 19e siècle. Et Robert Howard, donc pour expliquer, lui, il était un enfant. Souffreteux quand il était jeune, il était pas bien lourd et donc il s'est lancé à fond dans la musculation et c'est ce délire là qui lui a donné l'idée d'imposer le barbare tel qu'on le connaît actuellement, massif, hyper baraqué. La revue dans laquelle il publiait Weird Tales, c'est une revue qui est légendaire pour tous les amateurs de pop culture. C'est là-dedans que Lovecraft publiait ses nouvelles. Ah oui. Oui, et Lovecraft était donc un des meilleurs amis de Robert Howard, et les deux, malheureusement, sont partis tragiquement en se suicidant. Mais faut voir tout l'héritage qu'ils nous ont laissé, donc les écrits de Lovecraft qui aujourd'hui sont ultra cultes, alors qu'à l'époque, ça passait quasiment inaperçu, et les écrits de Howard, donc que ce soit Conan, que ce soit le roi Kul, tout son œuvre... est vraiment quelque chose de remarquable. Oui, et puis on m'a dit de toute manière que il tenait pas bien debout ce roi Kul. On était obligé de lui mettre des cales. Ouais, mais sinon bon, il bascule. Je vous laisse faire le calcul. Alors nous voilà posé le personnage de Conan. Donc ce podcast sera bien évidemment orienté principalement puisque c'est comme les Jeux Olympiques, vous m'avez appris qu'il y avait une ère moderne et l'ancienne ère de l'heroic fantasy. Donc je me coucherai moins bête ce soir. Donc nous allons principalement parler effectivement du film Conan le Barbare. Alors il faut savoir que c'est un film de 1982 réalisé par John Milius avec bien sûr l'inénarrable Arnold Schwarzenegger. Donc Imraj, je te laisse nous faire un petit pitch de cette œuvre légendaire à tous les points de vue. Alors à l'origine, il faut savoir que il y a eu une gestation assez longue sur le projet qui a commencé dans les années 75. Donc à l'origine, il y avait vraiment un projet de film de Edward R. Pressman, Et il a demandé à Oliver Stone d'écrire une première version du scénario, mais faute de moyens, en fait, il a dû revendre les droits à Dino De Laurentiis, qui a donné les clés à John Milius, justement, pour s'occuper de réaliser le film qu'on a connu donc en 1982. Donc ce dernier a décidé de réécrire le scénario et il a réussi à faire connaître un certain succès commercial. Enfin, il y a eu des très bonnes, beaucoup d'entrées, etc. Mais à l'époque, une critique assez négative à propos du film qui s'est estompée, heureusement, avec le temps, en fait. C'est vrai que c'est un film, on en parle avec beaucoup de nostalgie, mais dans les années 80, c'était pas un film absolument culte dès le départ. Donc voilà, donc grosso modo, scénaristiquement, c'est un film qui se déroule à l'âge hyborien, donc ça respecte l'œuvre originale. Et donc en fait, cet âge hyborien, donc c'est un monde qui aurait existé dans notre histoire et qui se situe entre la chute de l'Atlantide et l'époque des anciennes civilisations comme l'Égypte antique, la Grèce antique, etc. Et donc c'est dans cet univers-là que commence le film, et je pense que pour commencer ça, il n'y aurait rien de mieux que d'écrire ce que nous dit la voix off au début du film, qui dit donc, je vais éviter de prendre la voix du chinois, ouais, quoique je peux essayer, hein. Ah, tu peux essayer. Entre l'époque où les Dothéans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius, il y eut une période de l'histoire fort peu connue dans laquelle vécut Conan, destiné à poser la couronne d'Aquilonia ornée de pierres précieuses sur un front troublé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grandes aventures. Est-ce que merci Michel Leeb. Merci. Ça, c'était l'instant ségrégation. Oh, voilà, et donc on retrouve un jeune Conan au début du film qui doit avoir une douzaine d'années à peu près et qui voit son village dévasté par un bandit qui se prénomme Doom. Dark Vador. Voilà, un petit peu, qui à la fin, on en reparlera. Et donc il ravage le village et fait Conan esclave et participe plus tard à de nombreux combats entre prisonniers, pardon. Et grâce à divers faits d'armes, il finit par gagner sa liberté et devient voleur, où il retrouve la trace d'une mystérieuse secte qui serait dirigée par Vincent McDoom, à savoir, oui. Aka Dark Vador. Et oui. Et rapidement, il fait la rencontre de Subotai et de Valeria, dont il tombe grandement amoureux, et se lance dans une quête plutôt désespéré, on va dire, au départ, lui, qui lui permet de prendre une vengeance sur sa famille. Voilà, parce que ce qu'il faut préciser, voilà, c'est que ses parents se font massacrer au début du film, et qu'en gros, la quête principale de Conan, c'est quand même la vengeance de ses parents et de sa famille, quoi. Tout à fait. Voilà. Ok. Je pense avoir fait le tour. Ok, alors du coup, tu as mentionné effectivement Tulsa Doom, qui est campé par James Earl Jones, donc qui est la voix et Dark Vador dans Star Wars. Il faut savoir que c'est quand même un acteur avec un physique assez particulier, dans un rôle qui, je trouve, est assez spécial, dans le sens où c'est le méchant, mais il a un côté mystérieux et un petit peu mystique, effectivement, d'où le côté un peu mentor, gourou de secte, comme tu l'as mentionné. Et c'est vrai que c'est, bon, hormis capillairement, où c'est vraiment une expérience. C'est ça, il a la coupe de ma fille, en fait. Oui, c'est vrai. C'est tiens. Pas sympa pour ta fille, tiens. Oui, non, c'est vrai. Mais faudra expliquer à Charlotte, en fait. Celle qui a pris la décision. Ouais. Bah, peut-être parce qu'elle savait qu'on ferait un numéro sur Conan. Donc toujours est-il que ce personnage est le grand méchant du film, même si ce grand méchant est assisté par un Gérard Depardieu à grosse moustache. Et, pas très adroit d'ailleurs. Ouais. Et en gros, il a deux sbires qui sont envoyés dans les pattes de Conan et de ses alliés, donc rencontrés, comme tu l'as dit, une fois qu'il s'est affranchi et qu'il est devenu voleur. Donc en fait, il y a deux quêtes. Il y a la quête du méchant qui veut devenir gourou de cette secte, et la quête de Conan qui veut venger sa famille et ses parents. Voilà. Donc je sais pas, Spades, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ce premier Conan en termes d'histoire ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a Déjà, faut savoir qu'on a échappé à une catastrophe. Parce que Oliver Stone, qui est donc le scénariste à la base du scénario, voulait placer ça 10 000 ans dans le futur, dans un univers post-apocalyptique. Alors après, tu dis catastrophe. On ne saura jamais. Ça aurait pas été respectueux de l'œuvre de Howard, qui place vraiment ça dans la proto-histoire. Milius, quand il a repris les rênes du projet, donc il a gardé le scénario de Stone, mais en apportant sa propre touche, a ramené ça à la bonne époque et a amené des concepts qui font que le film est tel qu'il est aujourd'hui. Quoi. Et honnêtement, je suis très très grand amateur de ce film-là. Et je sais que tout ce que j'aime dans ce film, je le dois à Milius. C'est pas faux. Après concernant Tulsa Doom, et donc James Earl Jones, ce qui est un peu dommage, c'est quand même que James Earl Jones, au-delà d'un physique particulier, c'est surtout une voix extraordinaire. Et le type, il doit dire trois phrases dans tout le film. C'est ça. Il pourrait avoir beaucoup de charisme. Mais il parle vraiment si peu, quoi. C'est vraiment du gâchis, vraiment. Par contre, on voit énormément son visage et son regard en gros plan. Oui. Ah, okay. Et pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un peu lui qui a inspiré Manimal, quoi. Parce que c'est vrai que faut quand même savoir que notre ami, Tulsa Doom, se transforme en serpent. Donc, voilà. Pour des D'ailleurs, une transformation. Enfin, moi, c'est le seul passage où vraiment je trouve qu'il y a une fausse note. Au moment de la fameuse transformation où je sais toujours pas pourquoi il s'est transformé, parce qu'en fait ça sert à rien, en plus dans la scène elle apporte rien, quoi. C'est ça, il y a une grosse baston et lui il fait sa transformation, il s'en va dans un tuyau, c'est ça, puis c'est réapparaît 10 minutes plus tard et tout le monde s'est fait saccager, enfin j'ai pas compris cette scène. Pour moi c'est à cause de l'impératif heroic fantasy. Oui, il fallait aussi un. Alors c'est pas le budget effets spéciaux qui a coûté le plus cher du film, mais c'est encore lié au serpent. Mais voilà, il fallait peut-être aussi envoyer un truc, quoi. Oui, mais à mon avis ça vient de ça, parce que tout le film, alors que c'est un univers quand même, on va dire d'heroic fantasy pur, donc qui est censé avoir des magiciens et compagnie, on a très peu de notes mystiques dans le. Film. Il y a la résurrection, quoi. Enfin, la résurrection. Le combat contre les fantômes, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Mais à part ça, ça reste relativement, on va dire, entre gros guillemets, réaliste, quoi. Et là, cette scène-là arrive comme un cheveu sur la soupe. Et surtout, voilà, elle sert à rien. Il y a donc des gens qui sont en train de faire des trucs à plusieurs adultes consentants, dirons-nous, devant. Il se transforme en serpent, va se mêler avec eux. Il s'enfuit dans un tuyau après à l'arrivée de Conan. Puis effectivement, on le voit commencer à allonger le museau. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et hop, il se transforme en serpent. Et puis, il y a la bonne sous-soupe aussi. Elle est bien, la soupe. la sous-soupe verte avec des mains et des pieds à l'intérieur, c'est... C'est ça. Bon, donc, ouais. Alors du coup, pour revenir au film proprement dit, il faut savoir aussi que ce long-métrage est quand même énormément basé. Alors moi, ce qui m'a impressionné, ce sont les décors qui sont quand même assez crédibles. Ça fait pas, il y a des passages en studio forcément, mais il y a quand même de longs passages, peut-être un peu trop longs d'ailleurs, dans de vastes plaines. Alors c'est assez marrant parce qu'effectivement à ce niveau-là, on a regardé il y a pas très longtemps les deux premiers épisodes du Seigneur des Anneaux. On a vu le Hobbit aussi récemment, le troisième épisode, et en fait, les scènes où ils courent sur des prairies, ils passent leur temps à courir. Mais c'est juste fou l'inspiration qu'a pu prendre Peter Jackson sur ce genre de scènes, parce qu'on a exactement les mêmes plans de caméra avec les personnages qui courent armes à la main sans s'épuiser. Et c'est marrant parce que il est vraiment, c'est absolument sûr qu'il allait puiser dans ce genre d'œuvre là, quoi. Évidemment. Et effectivement, il y a beaucoup de scènes où il y a des très très beaux décors. Ça a été tourné en Espagne pour la plupart des trucs. Et même les décors construits. Je pense notamment à la scène finale où il y a cette espèce de tertre. Avec des menhirs, etc. C'est plutôt joli, quoi, dans l'ensemble. Ah oui, moi je te dis, c'était assez. Alors qu'il y a plein de films, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui sont inspirés de un peu de personnages comme Conan, qui font des corps ridicules et autres, mais là c'était vraiment. Alors, ouais, ils ont pas récupéré les cailloux des Goonies, quoi. C'est. Et voilà. C'est du vrai caillou. Voilà. C'est du vrai caillou pour la plupart. Ouais. Non, et au-delà de ça, quoi, c'est Milius et son équipe ont réussi à construire un monde cohérent et totalement surréaliste à la fois. Les décors qu'on voit nous rappellent des choses, mais sans que ça nous rappelle quelque chose de précis. Si oui, on c'est voit ça, c'est des locations. Un peu le Moyen-Orient, on voit les grandes plaines slaves et compagnie, on voit tout ça mélangé en un seul. En un seul lieu et ça colle. Ouais, ouais, tout à fait. Et il est étonnamment moderne. Il y a juste la partie chorégraphie qui est un petit peu qui pêche un peu, mais dans l'absolu, le monde est très cohérent et avec une bonne qualité d'image, des vrais effets spéciaux, etc. On serait presque sur un film moderne. Enfin, j'ai vraiment trouvé qu'il y a juste les chorégraphies qui pêchent un petit peu et qui rappellent qu'on est dans les années 80. Ben. Je vais dire, je le trouve plus moderne que les films d'Heroic Fantasy qu'on fait maintenant. Il y a dans le traitement du film, je sais pas comment je pourrais qualifier ça, je vais dire, le film fait âpre. Il est rude fondamentalement, il y a un traitement des idées qui est incroyable. Oui. C'est ce genre de traitement dans l'Heroic Fantasy, je l'ai trouvé trois fois, dans Conan, dans Excalibur, qui a dû sortir la même année, et dans Lady Hawk, la femme de la nuit, dont on a parlé récemment avec... Voilà, dont on a parlé récemment avec Mikado. Il y a un côté vraiment très très dur et très très manichéen, mais à la fois très réaliste dans ce traitement que je trouve plus aujourd'hui. Aujourd'hui, honnêtement, quand on m'amène devant un film d'Heroic Fantasy récent, comme par exemple Le Hobbit, ça fait beaucoup moins réaliste, quoi. On rentre beaucoup moins dans le truc. Parce qu'il y a, en fait, comme le disait Surf, c'est finalement la transformation, par exemple, en serpent, c'est le seul élément qui ramène à un côté Heroic Fantasy. Tout à fait. Sans ça, en fait, c'est vrai que ça reste un film qui est assez réaliste. Et finalement, effectivement, ça pourrait décrire une période de notre propre histoire. Là où, effectivement, les films modernes vont abuser d'effets spéciaux, etc., pour ajouter des créatures diverses et variées, qui te rappelle que t'es dans un film et que t'es vraiment dans une œuvre de fiction, alors que là, il y a vraiment un côté très réaliste. Très film historique. C'est ça. Voire même, je rapprocherais ça beaucoup aussi des péplums de la grande période, comme Ben-Hur, par exemple. Spartacus. Oui, tout à fait, ça ramène vraiment à ça. Bah, il te met dans la figure que peut-être trop d'effets spéciaux, tu les fais. Ah, tout à fait. C'est vraiment la calotte que je me suis pris en voyant le film... pour le podcast. Alors moi, pour être tout à fait honnête, je n'avais jamais vu, je pense, le premier film. En tout cas, j'en ai aucun souvenir. C'est-à-dire que je connaissais juste la scène du vautour, mais je pense que je n'avais jamais vu ce film avant. Et donc, du coup, ça a été une claque. Il y a des petites longueurs par moment. Il y a effectivement les chorégraphies qui sont un petit peu grossières. On voit qu'il tape souvent à côté, etc. Des fois, il y a des passages où, genre, il va trancher une gorge. Le mec, il se fait trancher la gorge et de dos. Et on voit la giclée de sang deux secondes après le coup d'épée. C'est des petits détails qui font qu'il y a des maladresses qui sont dues à l'époque. Mais après, c'est fou parce que le film est très très moderne et très réaliste. Alors, moi aussi, dans ce film, j'étais impressionné par, on va dire, les prestations de Valeria, qui, on sent qu'à la base, l'actrice est danseuse. A priori, parce que j'ai pu trouver. Sandal Bergman, voilà. De son vrai. Et du coup, on voit quand même que parce que souvent il y a des combats forcément corps à corps, et elle ajoute une dimension un peu aérienne et un peu fluide dans les mouvements qu'on ne trouve pas forcément. Dans les combats, elle est presque plus mise en avant que Conan, parce que. Ah mais clairement, pour moi, c'est limite le personnage lors des combats. J'attachais plus d'importance à. Alors, ouais. Le truc avec Valeria, c'est donc comme tu dis, Sandal Bergman est donc danseuse à la base. Et vraiment, elle profite de son expérience pour donner un côté aérien, mais pas abusé. Si aujourd'hui, on essaie de, en fait, même dans tous les films, on essaie d'avoir un personnage féminin, aérien et compagnie, genre en général, voilà, par exemple, ça devient totalement n'importe quoi rapidement, malheureusement. Et elle, comme ils avaient peu de moyens pour les effets spéciaux, ça donne quelque chose d'assez spectaculaire, surtout avec Schwarzenegger qui lui est là pour être le barbare de service, donc une brute tout en force au niveau des combats. Qui est pas assez mise en avant, je trouve, à ce niveau-là. Ah, ouais. En fait, il mériterait de désinguer un petit peu plus, quoi. Ah oui. Enfin, moi, c'est pas l'image que j'ai de Conan et. Mais disons que pour ceux qui connaissent l'œuvre de Howard, on va critiquer le film sur certains points, notamment le fait que Conan soit présenté de la manière dont il est représenté dans le film. Mais là où c'est judicieux de mettre Valéria en avant, c'est que les femmes sont souvent au centre des histoires de Howard, et c'est vraiment rendre hommage à ça, quoi. Mmh. Ah oui, tout à fait. Je suis assez d'accord. Notamment le personnage de Valéria qui n'est pas créé par Howard à la base, mais vraiment pour le film, et inspiré de la reine Belit, qui est un personnage mythique pour tous les amateurs de Conan. Mmh. Et d'ailleurs, actrice qui jouera le rôle de la reine dans un film dont on parlera certainement. Bah, tout à l'heure, oui. Voilà. Puis alors, surtout aussi, c'est vrai que... Valéria, moi, quand on regarde l'affiche du film, on se rend compte que quand même Schwarzenegger est un peu en mode mâle dominant au-dessus d'elle sur l'affiche. On se rend quand même compte que le personnage de Valéria, plus le film avance, plus il prend, je trouve, de l'épaisseur. Parce qu'au début, c'est une simple voleuse, voilà, qui rencontre et bien sûr avec qui il couche très rapidement, mais ça, on le voit venir gros comme une maison. Et mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi, je trouve que limite, elle prend plus d'ampleur et qui est même que la bascule se fait et qu'elle prend plus d'importance que Schwarzenegger. Et merci. Même dès le début, hein, tu prends, oui, la rencontre et il couche avec rapidement, mais ça vient d'elle. C'est pas Conan qui essaye de coucher avec elle, c'est elle qui accepte, c'est elle qui dirige les opérations. Et tu prends la scène où il se prépare pour infiltrer le temple de Tul Sadum, où il se peigne le corps. J'allais tu regardes. En mode damier. Voilà, en mode camouflage. Ouais. Voilà. Mais le truc, c'est Valéria et Conan se peignent mutuellement et c'est elle qui va mettre l'épée dans le fourreau de Conan et Conan mettra le fourreau de l'épée de Valéria dans son fourreau à elle. C'est vraiment, ils travaillent de concert. Ils sont deux personnes, mais une seule entité réellement. Ils sont vraiment mis à égalité. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Et il y a aussi le passage, enfin il y a deux moments assez forts aussi à son niveau, c'est quand ils ont pillé le temple de Tul Sadum et que Conan en fait sombre un petit peu dans l'alcool, etc., parce qu'ils ont plein de richesses, etc., mais elle est assez sobre vis-à-vis de ça, je trouve. Et effectivement, à la fin aussi, c'est elle brave la mort, entre guillemets, revient un petit peu sous la forme d'une Valkyrie et sauve Conan de la mort, quoi. Presque. Tout à fait. Enfin, même presque, c'est sûr. C'est certain, ouais. Et non, elle a vraiment une importance capitale, quoi. Et elle fait une grosse partie du film et elle apporte même, on va dire, une grosse partie du scénario du deuxième film. Tout à fait. Bon, par contre, après, faut quand même reconnaître certains points faibles, enfin certains défauts sur ce film. Moi, je m'étais noté que le revers de la médaille de ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des décors, c'est que c'est quand même assez long, lent par moment, Oui. Et que ma femme dirait, mais qu'est-ce pour aller d'un point A à un point B, c'est quand même très très très lent, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux d'ailleurs, comme tu disais, l'ouvrage. Et forcément, il y a certains effets spéciaux, alors même s'il n'y en a pas énormément, qui ont du coup assez mal vieilli, comme cette espèce d'apparition entre guillemets entre les menhirs là, ouais. L'image floutée. Ce que ça vient faire là, c'est fait par la même équipe qui a fait les fantômes dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Ça se voit. Ouais. Mais le plus gros du budget effets spéciaux est passé sur le serpent géant quand il pille la tour. Et là, par contre, c'est pas mal fait. Enfin, personnellement, je l'ai trouvé. Il y a une alternance en fait entre des plans très rapprochés d'un vrai serpent, donc à échelle réelle. Malgré tout, ils arrivent à faire passer l'illusion d'un serpent géant. Et effectivement, cette marionnette géante mécanique qui, honnêtement, j'ai trouvé qu'elle fonctionnait assez bien. Car Arnold Schwarzenegger nous... On voit à la Crocodile Dundee. C'est ça. Voilà. Mais on voit le côté robotique de la bête, mais ouais, pour l'époque, c'est super impressionnant. La peau du serpent. Ouais, en fait. Ouais. Mais moi, le tour de magie, on va dire, qui m'a le plus marqué, en fait, c'est quand Tulsa Doom transforme un serpent en flèche. Oui. C'est très très con comme manière de faire, mais ça marche. Vraiment, l'idée ça fonctionne. Ah, ouais. C'est une flèche empoisonnée, donc Bah oui. Une arme de femme. C'est ça. Pour tuer une femme. Bon, sinon, alors, c'est pareil, je m'étais noté quand même que c'était une belle réflexion sur le féminisme, donc par rapport à ce qu'on a dit juste avant, pour l'importance qui est donnée à Valeria dans le film. Bah, c'est marrant parce que je disais, excuse-moi de te couper, hein, y a eu un succès commercial dès le départ, et succès critique assez moindre, et notamment certains ont critiqué justement le côté machiste et puis aussi l'individualisme, alors que finalement... Moi je trouve pas. Voilà, bah, c'est les critiques qui ont été les plus sévères en fait sur le côté machiste. Le problème pour le côté machiste, faut pas oublier que l'image qu'on a tous de Conan, c'est les dessins de Frank Frazetta. Bien où sûr. On a Conan lâche à la main, une fille à moitié nue accrochée à la jambe. Ouais. Et c'est vrai que même quand on regarde le film, on pense à cette image en permanence. Et qu'au final, on a un personnage très féminin très très fort, mais on a un seul personnage féminin très fort. Ouais, qui fait le film, quoi. Oui, mais voilà, l'autre personnage féminin du film, c'est la jeune fille en détresse. C'est vrai. La belle nunuche, quoi. Voilà, et qui est vraiment nunuche, là, pour le coup. Ah ben, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Ah oui, en plus, oui. Bon, est-ce qu'un de vous deux peut en parler, du coup, de ce personnage, quand est-ce qu'elle est rencontrée et... Donc, en gros, suite à la rencontre entre Conan, Valeria et le voleur Subota, il décide de voler le diamant de la tour de Tulsa Doom. Suite à ça, ils se font arrêter par les hommes du roi Osric, joué par Max von Sydow, alias Ming, dans Flash Gordon. Et donc, Osric leur demande d'aller récupérer sa fille qui a intégré les rangs de la secte de Tulsa Doom. Il leur dit, grosso modo, vous êtes les premiers à vous être opposés à la secte. Ouais. Quoi. Voilà. Ouais. Du coup, vous allez chercher ma fille. Et donc, dans un premier temps, Conan... préfère s'occuper de sa vengeance. Résultat des courses, il va quasiment y laisser la vie et sera sauvé grâce à un magicien qu'il aura rencontré grâce à l'amour de Valeria. Qui est le narrateur, en fait, au début, donc la voix chinoise asiatique. Tout ça mènera à un combat dantesque contre Tulsa Doom pour récupérer la princesse. Mais Valeria y laissera la vie et arrivera le moment de la confrontation finale qui rappelle beaucoup les vieux westerns comme par exemple les 7 mercenaires ou voire même plus les 7 samouraïs, je pense, la version originale. Et donc la fin du film, pendant que t'es lancé, Spades, Conan réussit à tuer Tulsa Doom alors que celui-ci est en train de faire un discours exhortant ses fidèles à tuer leur propre famille. Leurs regards se croisent. Doom, j'ai le droit. Oui, vas-y. Il y a quand même un gros clin d'œil à Star Wars, quoi. C'est pas possible autrement. James Earl Jones, limite, je suis ton père, oui. Ben oui, il lui dit je suis ton père, et il y a Conan qui le regarde bizarrement, et il s'ensuit ce qui s'ensuit. Oui, et il sait pas non. Ouais, non, mais c'est assez marrant, en fait, de retrouver ça, quoi. Je pense pas que ce soit fait par hasard, quoi. Donc à savoir qu'il lui tranche la tête. Ouais. Il montre la tête à tous les disciples et il jette la tête dans l'escalier. Elle rebondit. Et il y a un vieux bruit de rebond. C'est pas très crédible. Pour l'ami Tulsa Doom. Mais bon, il avait bien cherché, bordel de merde. Ah oui. Alors messieurs, je pense qu'on a bien évoqué au moins l'aspect histoire et visuel du film. On va se concentrer maintenant sur un pan absolument indispensable de cette œuvre. Je veux bien sûr parler de la musique, avec l'idole d'Imraj en la personne de Basil Poldouris. Imraj, rafraîchis-nous les mémoires sur qui est ce fabuleux compositeur. On a déjà cité son nom à différentes reprises, mais voilà, donc c'est Basil Poldouris, le compositeur de Robocop, et puis de beaucoup de choses. Hein, donc, c'est... Starship Troopers, notamment. En fait, il a tellement illustré de films cultes et moins cultes, hein, mais quand même de beaucoup de choses. On pourrait presque y dédier un jour un cadeau bonus, je pense, hein, parce que c'est voilà. Et donc il a quand même signé ici quelque chose d'assez magistral. Enfin, personnellement, je trouve qu'il est meilleur BO, je pense, de films. Ouais, une de ses meilleures et une des meilleures de films des années 80, facile. Ouais, de films tout court. Hein, ouais. C'est vraiment un summum, cette musique-là, quoi. Ouais, je pense, honnêtement, je vous disais tout à l'heure que je n'avais pas vu le film, par contre, je connaissais les musiques. Mais toutes, qui ont été utilisées sur différents trucs, voilà, que j'ai pu écouter, mais les musiques, je les connaissais par cœur, en fait, et à tel point que j'étais presque surpris en cours de film de les connaître. Donc voilà, donc il faut savoir que... Mais il y a deux petits... Alors en fait, il y a une particularité novatrice et une un petit peu moins sur cette OST. Alors ce qui est très novateur, c'est que Poldouris a utilisé un logiciel qui s'appelle MuSync, ou MuSync, je ne sais pas trop. MuSync. MuSync, qui était en fait un logiciel qui permettait d'altérer le tempo de ses compositions. Et donc en fait, ça lui permettait de rythmer plus ou moins rapidement les musiques selon les différentes scènes qui s'affichaient à l'écran. Donc c'est la première fois qu'un tel logiciel, enfin, n'a pas été utilisé, mais première fois que ce logiciel a été cité dans les crédits d'un film, ce qui est assez important. Et la deuxième particularité, c'était que donc faut savoir qu'il a quand même fait venir un vrai orchestre philharmonique pour enregistrer les trucs, 90 instruments et 24 choristes, un enregistrement dantesque sur plusieurs pistes, mais finalement c'est le dernier film sorti dans un grand studio qui utilisait un son mono. Donc après, le stéréo s'est démocratisé vraiment. Et c'est le dernier film d'un grand studio à avoir utilisé du mono. Donc voilà. Est-ce que tu nous as choisi une piste Je ne pouvais pas faire plus simple que le thème principal, pour moi, qui est plutôt complet, parce qu'on a... une musique un petit peu, on va dire, avec une rythmique un petit peu militaire, avec des consonances un petit peu, enfin plutôt guerrières que militaires, on va dire, et beaucoup de douceur sur la mélodie principale. Et je pense que vous serez à peu près d'accord avec moi pour dire que le thème principal est en plus un des meilleurs qui ait jamais été fait aussi. Voilà. Tout à fait. Bon, bah on va se l'écouter. C'est parti. We'll be right back. effet, c'est vrai. J'avoue que moi, chaque fois que je l'entends, elle est épique, quoi. C'est ça qui est terrible. Ouais. Ah ben voilà, on frissonne. Ouais. Cet après-midi, je me suis fait tout l'OST pendant que je bossais. J'ai passé une heure à frissonner en permanence. Ah, mais et... c'est aussi cette musique hein, qui donne vraiment toute la force au film, en le transformant l'histoire d'un barbare en une vraie fresque wagnérienne. Quoi. C'est carrément devenu de l'opéra grâce à cette musique. Ben, c'est ça en fait qui fait toute la particularité, c'est que on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de lignes de dialogue dans ce film, et Paul Doris a eu vraiment pour mission d'habiller tous les blancs qu'il y avait autour des quelques phases de dialogue. Alors c'est sûr qu'on entend souvent des morceaux avec des variations dans les temps, mais on n'est jamais frustré de réentendre le même thème 50 000 fois, tellement c'est propre. Et en plus, c'est effectivement, on a des musiques très guerrières, comme on peut avoir des vraies douceurs sur les scènes un petit peu intimistes entre Valeria et Conan. Donc c'est... Voilà, c'est une masterpiece, quoi. Et ah, tout à fait. Il faut savoir qu'il a quand même commencé à composer ça sur de simples storyboards. Je sais, il recevait des storyboards avec les indications de Milius qui lui disait, voilà, je voudrais tel type de style. Notamment, je crois que Milius voulait Carmina Burana à un moment dans le film. Et il se l'est fait voler par Excalibur qui l'utilise directement. Donc, ouais. Mais d'où le travail fabuleux de Polydoris qui réussit à compenser ça sans problème. Ah oui, non, c'est... Alors moi, il y a un moment où j'ai trouvé que la musique était beaucoup trop présente. Je ne sais pas si vous serez d'accord. C'est la scène justement de la transformation en serpent. Ah, les petites clochettes et puis les petites cymbales. En fait, je trouve que... Enfin, en gros, on n'entend vraiment que la musique. Ah, il n'y a que ça sur cette scène. Et je ne sais pas, moi ça m'a... C'est le moment où je la trouvais trop présente, quoi. Mais sinon, effectivement, excellente BO. Ça m'a pas particulièrement gêné, mais je peux le concevoir. Voilà. Bon, alors messieurs, on va basculer sur le deuxième film de cette œuvre cinématographique de Conan le Barbare. On va se parler un petit peu quand même de Conan le Destructeur, un film américain réalisé par Richard Fleischer. Grand monsieur du cinéma. Sorti, lui, en 1984. Tout à fait. Donc, messieurs, pour ce Conan le Destructeur, on va déjà s'écouter la bande-annonce de ce long-métrage. C'est parti. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Tu veilleras à ce que cette chère enfant revienne saine et sauve à mon palais. C'est à nous qu'elle appartient. Elle n'est plus à vous. Mais qui es-tu ? Conan ! J'ai besoin de toi. Ses pouvoirs et ses sortilèges sont sans limite. Que peut faire un glaive contre la sorcellerie? Jenna doit être tuée, sacrifiée. Nous verrons cela. Donc, Conan le Destructeur. Conan the Destroyer. Oui. Alors, est-ce que Spades, tu peux nous présenter un peu cette suite, on va dire, logique de Conan le Barbare? Donc ça se passe quelques années après le premier épisode. Conan est toujours sous le coup de la mort de Valeria et il tombe sur la reine Taramis qui lui propose de ressusciter Valeria s'il escorte la princesse Jenna en territoire ennemi pour qu'elle récupère un trésor. Mais tout ça cache des secrets beaucoup plus sombres, malheureusement. Ah. Eh oui. Okay. Voilà. Bon. C'est fini. Alors, que dire de ce deuxième film ? Donc, moi, en ayant un peu creusé le pourquoi du comment, j'ai recoupé les informations. Et a priori, Conan devait être un peu comme James Bond, à savoir plein d'aventures. Conan à la mer, Conan à l'école, Conan fait du vélo, et ainsi de suite. Et comme les nouvelles de Ward, oui. Voilà, il devait y avoir un peu des plein, comme des romans de Ian Fleming, plein de différentes aventures. Mais là, on est vraiment sur la suite logique du premier. Enfin, d'après ce que tu nous... Voilà. Alors moi, j'ai trouvé en regardant ce Conan le Destructeur que ça avait été un peu à l'arrache comme scénario pour faire une suite. Ils ont essayé d'amener un petit peu de légèreté au film en introduisant quelques notions d'humour qui fonctionnent pas forcément. Je sais pas comment dire, mais en fait, le film, j'ai l'impression qu'il fait, comment dire, plus années 80 que le premier. C'est ça, en fait. Tu sens le symptôme vraiment too much. Oui. Mais le pire, c'est donc le film. J'ai fini de le regarder juste avant l'enregistrement, donc c'est tout frais dans ma tête. Le pire, c'est que je suis incapable de dire ce qui ne fonctionne pas dans ce film-là. La réalisation est très correcte. Bah, Richard Fletcher est loin d'être un manchot avec une caméra, hein, même s'il a réalisé un film qui est très moyen, voire même mauvais. Il n'est pas catastrophique, ça se regarde. Mais au niveau de la réalisation, hormis les scènes avec des créatures en plastique, qu'on voit bien le plastique, ouais. ça passe à peu près. Le scénario, c'est un scénario très bateau, très basique, très années 80. Mais ça passe aussi. Et pourtant, le film ne fonctionne pas, quoi. Moi, en fait, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais je suis incapable de dire si j'ai passé un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. C'est exactement ça. C'est la différence du truc. C'est, pour moi, c'est, enfin, on retient rien de ce film, en fait. En fait, c'est ça. C'est que moi, je l'ai regardé la semaine dernière. Et quand j'ai commencé à préparer mes fiches, c'était lundi, incapable de me souvenir du scénario au premier coup. J'ai dû, tu vois, un petit peu restructurer mes pensées pour me rappeler qu'il fallait qu'il escorte la princesse. Il y a l'espèce de sorcier au départ. Ensuite, il y a le sous-fifre de la reine qui se dévoile un petit peu. Puis il y a l'espèce de tribu qui protège la relique. Hein, et on ne sait jamais quand. Enfin, on dirait que le film se cherche en permanence un espèce de méchant emblématique comme dans le premier. Sauf qu'il n'y en a pas au final. C'est, en fait, le premier est un vrai récit épique. Là, on est juste sur un récit de quête initiatique. Ouais. Limite, voilà, il passe de stage en stage, il tue le boss final derrière, quoi. C'est ça. Et puis l'ombre de Valeria qui plane au-dessus de tout voilà. Ça. Dans les trucs à retenir, Olivia Dabo qui joue la princesse Jenna est ravissante, mais à part ça, je vois pas grand chose d'autre à dire, quoi. Oui. Alors, c'est assez marrant, mais Conan, donc Schwarzenegger, on peut pas dire qu'il soit assez gringalé, hein, c'est une masse, hein, il est impressionnant. Et je sais pas si vous avez remarqué la taille de l'autre. Bambata de Will Chamberlain, c'est un basketteur de la NBA. Hein. D'accord, donc je comprends. Il y a un plan où ils sont dans la caverne, où ils sont côte à côte et ils font face à la tribu, là. Il fait 3 têtes de plus que Schwarzenegger, quoi. Impressionnant. Will Chamberlain, c'est un ancien champion de la NBA, donc forcément... Enfin, à l'époque, il était en plein dedans, d'ailleurs. Il était en plein boom. Voilà. Non, je crois qu'il avait fini sa carrière, déjà. Enfin, ou alors, il était en toute fin, oui, c'est vrai. Et il joue pas si mal, hein. Enfin, c'est pas une catastrophe. Non, mais... Les acteurs, globalement, sont pas mauvais. Simplement, les personnages, on accroche moins Grace Jones. Mako. Voilà, Grace Jones, qui est là pour nous faire une Valéria de substitution. Oui, elle a pas le dixième du charisme qu'a Sandal Bergman dans le film original. Elle impressionne par son physique et pareil, elle est voilà. Agile. C'est une femme forte physiquement, mais ouais. Au point de vue de son personnage, il n'y a rien d'autre, malheureusement. Tu parles de la Black ? Oui. Ouais. Elle est insupportable. Ah, mais t'aimes pas Grace Jones ? Écoute, non. Franchement... dans n'importe quel film ou juste dans ce Conan le Destructeur ? Écoute, je sais, honnêtement, dans ce film-là, elle passe son temps à crier, quoi. Ah, mais je te dis pas qu'elle apporte forcément quelque chose, mais qu'en termes de grâce, dans les mouvements qu'elle fait, dans les déplacements et autres, c'est vrai qu'on sent que, pareil, elle a un profil relativement, entre guillemets, danseuse, comme pouvait l'avoir Valeria dans le 1. Il y a quand même mais je suis d'accord qu'après elle a des côtés insupportables, ça on est bien d'accord. Et puis après moi elle a une dentition qui me fait peur, Grace Jones. Non mais il y a pas que la dentition, elle fait peur. Ah non, mais elle a trop de dents, elle, c'est pas possible, quoi. Ouais. Après dans les autres personnages, on a Malak qui est donc le voleur qui est juste totalement insupportable. Ouais. Là où avec Subotai on avait un comic relief discret qui était là vraiment pour épauler le personnage, lui, il ne sert strictement à rien. Par oui, contre. qui était au-delà de ça. En plus, Subotai était assez intéressant au niveau des combats. Enfin, il apportait quelque fait. Chose. Oui, oui. Il snipait bien, plutôt agile à l'arc et tout. Il snipait bien. Ouais. Le gamer. C'est ça, il snipait bien, quoi. La galerie de personnages, elle se recherche. En fait, ce film est une recherche perpétuelle. Hein. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ils essayent de réitérer un petit peu ce qui s'était passé en premier. Le gros problème, c'est qu'ils trouvent jamais, quoi. Non, ils cherchent, mais ils trouvent jamais. Hein. Et même musicalement. Ah bah. Vas-y, oui, parle-en, mais moi j'ai trouvé pareil. C'est... Mais en fait, dès le départ, je me suis demandé si c'était Paul Doris qui faisait les musiques. Il s'avère que oui, et il était clairement moins inspiré. Enfin, le thème principal de Conan n'est même pas réutilisé, si je ne me trompe pas. Non, de mémoire, non. Ouais. Non, je l'ai recherché tout le temps, ouais. Je ne l'ai pas trouvé. Ou alors je me suis endormi en cours de route, mais voilà, il y a... Ça se trouve, il y avait un problème de droit, encore une fois, hein, je sais pas trop, mais bon, enfin voilà, même la musique, c'est pas désagréable. Mais en fait, rien n'est désagréable dans ce film-là, mis à part Grace Jones, mais rien n'est désagréable. Et dans James Bond, tu l'avais bien aimé ou pas? Max Zorin. Honnêtement, j'ai pas de souvenir. T'as pas vu. Non, James Bond, c'est pas trop ma cam. Je dois avouer. Mais c'est la même période en plus, hein, c'était dans les années 80 aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Mais et après, elle était chanteuse aussi, cette fabuleuse Grace Jones. Elle a tenté la chanson. Mais il y a même des moments où, au niveau de la réalisation, ils arrivent à être impressionnants. La fameuse scène du magicien et de la pièce des miroirs, au-delà du maquillage totalement dégueulasse de l'acteur, oui. La scène est vraiment magnifiquement bien réalisée, quoi. Elle est très très bien tournée, ouais. Non, il y a une esthétique qui est très propre. Ils refont le coup de la forme fantomatique, donc là avec l'espèce de ptérodactyle. Oui. Le château tout autour du lac, voilà. Bon, il y a une grosse brume pour masquer l'incrustation, mais c'est pas trop mal. Le film est pas. Je sais pas, c'est bizarre ce qui se passe avec ce film. Et je le trouve plus daté que le précédent, quoi. Ah, mais ça, non, mais ça, pas faute. Et ça, c'est la faute aux effets spéciaux. Il y en a trop. Ouais, il y en a trop. Sinon, en faisant des recherches pour le podcast, j'ai découvert que donc le Dagoth, la divinité qui est censée ressusciter la jolie princesse Jenna, était jouée par un Français, André Rossimoff, qui est plus connu sous le nom de André le Géant. Et André le Géant, eh oui. D'accord. Final Fight, tout ça. Enfin, entre autres, et puis Princess Bride. Ouais, c'était Gérard Depardieu. Pardon. André le Géant, j'adore ce nom. Un peu le même physique en plus grand. J'adore ce nom. Autre chose, par contre, je me demande si l'ami Dino De Laurentiis a pas eu des gros démêlés avec la société Camel, donc qui fabriquait les cigarettes, parce qu'il fait systématiquement donner des coups de poing aux chameaux par Arnold Schwarzenegger dans les deux films. Donc je me dis, il y a quelque chose, parce que ça fait partie des grands moments quand même. Moi, ça m'a fait marrer à chaque fois. Mais complètement, quand il se fait, quand il se fait cracher dessus par le chameau, l'espèce de patate qui lui retombe. Bim ! Et dans le deuxième, pareil, bim ! Mais alors, il a vraiment tapé un chameau, et fort, parce que le chameau se casse la gueule, enfin, ou alors il est très bien dressé. Enfin, mais dans le deuxième, ça. Parce que dans le premier, il est à l'arrêt, donc ça va. Mais dans le deuxième, c'est quasiment dès le début du film, d'ailleurs. Ouais, il arrive dans la espèce de combat, il arrive, et boum, un coup de poing, un chameau. C'était magnifique. Bah, en fait, voilà, c'est que la scène dans le premier film est devenue emblématique, quoi. Aujourd'hui, on parle de Conan, quelqu'un qui l'a vu à l'époque, il va se rappeler de la scène du chameau. Ouais. Là, dans le 2, en fait, il n'a pas tapé assez fort pour assommer le chameau. C'est juste qu'ils ont utilisé des câbles pour tirer ses pattes arrière et le forcer à se coucher. D'accord. Tu fais bien le... Parce que je te jure, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, mais il a vraiment tapé un chameau, là, c'est pas possible. Et puis après, il y a des moments aussi où il chevauche l'animal. Et c'est vrai que Schwarzenegger sur un chameau, moi, ça m'a fait... Je trouvais ça bizarre. Déjà, en fait, il est plus gros que le chameau. Ben voilà, c'est... Mais même quand... Il y a des têtes à chameau et Schwarzenegger, et non, il a fait... Je sais plus si c'est dans le premier ou dans le second. Je pense que c'est dans le second. À un moment, il est sur un cheval et tu le vois s'éloigner, mais il est quand même impressionnant, ce type, quoi. Ah bah, il est en proportion. Et dis-toi que John Milius, pour le premier film, ne trouvait pas assez athlétique à la base. Je pense pas qu'on puisse trouver plus athlétique à cette époque-là. Univers, le mec. Hein. Ouais. Avec Conan, il a juste lancé le mouvement des surhommes qui a traversé tous les années 80, quoi. Ouais. Il n'y aurait pas eu Conan qui est arrivé et tout. Enfin bref. Voilà, non, mais c'est ça. sans Conan le barbare, on n'aurait pas eu Dolph Lundgren, on n'aurait pas eu peut-être Stallone, n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait. Ouais. ça a beaucoup joué, quoi. Enfin, en tout cas, messieurs, donc on va pas plus s'étendre sur ce deuxième film, hormis dire que c'est vraiment en dessous du premier et que ça ne restera absolument pas dans les annales. Mais sans être forcément un mauvais film, quoi. Non. Si ne doit en rester qu'un, ce sera pas celui-là, ça, on est bien d'accord. C'est voilà. Voilà. Et le problème, c'est que, comme souvent, c'est une suite et elle est pas terrible. Voilà. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, donc, comme tu le disais, hein, Schwarzenegger avait signé pour 6 films. Et après le deuxième, en fait, il a rompu son contrat, simplement. Mais sinon, encore un petit point de détail par rapport à ce film-là. La base du scénario, c'était une histoire écrite par Roy Thomas et Jerry Conway, qui sont deux légendes des comics, qui travaillaient beaucoup sur les comics Conan. Les mecs ont été tellement dégoûtés de voir leur histoire maltraitée par le scénariste, donc ça devait être Stan Lehman, qu'ils ont transformé donc leur histoire de base en un scénario pour une BD qu'ils ont sorti plus tard et qui s'appelle La Corne d'Azote, où ils ont juste changé les noms des personnages pour pas qu'il y ait confusion. Comme exactement le même phénomène que Robocop 3, si je me trompe pas. Elle est dit sur le podcast. Mais là, pour avoir lu justement l'histoire de Thomas et Conway, honnêtement, je comprends pas à quel moment on a pu arriver du produit d'origine à ça. Il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé en plein milieu. Mais... Cinéma. Oui, ça doit être ça. Bon, voilà, donc du coup, après ce deuxième Conan officiel, on a eu un autre film en 1985. Qui s'appelle chez nos amis outre-Atlantique Red Sonia et qui est renommé chez nous en Kalidor, la légende du talisman. La légende du talisman. Voilà, déjà rien que ce nom, c'est magnifique. On va déjà s'écouter la bande-annonce de ce long métrage, c'est parti. Un seul homme sur cette terre est assez fou pour la vaincre. Ne fais pas cette folie. Essaye. Pour l'aimer. Pour la rejoindre dans la grande aventure. Arnold Schwarzenegger est le seigneur Kalidor. Oui, il est. Deux êtres légendaires unis pour détruire le mal le plus terrifiant. Mes majestés, que vous faut-il ? Le monde, école ! Nous devons trouver l'entrée. Votre Altesse a des dents évidentes. J'ai pour règle de ne jamais prendre une femme qui ne soit pas capable de me battre. Arnold Schwarzenegger, Kalidor. Donc c'est un film avec toujours Arnold Schwarzenegger et avec cette fois-ci une autre actrice emblématique des années 80. Je vais bien sûr vous citer Brigitte Nielsen. Alors Brigitte Nielsen, c'est comme qui dirait une actrice qui n'a pas fait non plus une carrière extraordinaire, mais qui avait, je pense, les jambes les plus longues du cinéma des années 80, je pense qu'on peut le dire, parce qu'elle était... Elle était colossale. Ah ouais, c'était... Brigitte Nielsen, c'était quelque chose. Du coup, Brigitte Nielsen, mariée, femme de Stallone à un moment. Voilà. La boucle est bouclée, tout ça. Il a piqué à Schwarzenegger, bref. Qui est la plus grosse. Donc pour revenir à ce Red Sonia, donc qui est devenu Kalidor pour les raisons évidemment de droit, puisque à la base donc Red Sonia, c'est Sonia Larousse qui donc est jouée par Brigitte Nielsen et donc Arnold Schwarzenegger joue le rôle de Conan mais qui du coup était renommé en Kalidor et on a même carrément renommé le nom du film pour axer ça sur le personnage masculin en Europe, donc Kalidor la légende du talisman. D'un côté, quand on voit la prestation de Nielsen dans le film, on n'a pas envie de miser dessus. Hein. On peut comprendre. Mais en fait, elle devait de reprendre le flambeau au niveau capillaire par rapport à notre ami James Earl Jones dans le premier. Et c'est vrai que la coupe de Brigitte Nielsen dans ce film... Quoique, en ce moment, ça reviendrait peut-être un peu à la mode. Hein, le côté rasé sur les côtés, justement. Ça revient long à l'arrière. Enfin, en ce moment, c'est plutôt rasé d'un côté et très long de l'autre côté. En fait, donc, ce serait pas encore tout à fait ça. Mais c'est vrai que... Que dire de ce film ? Est-ce que l'un de vous veut nous parler un peu de enfin, où est-ce qu'on le place? Est-ce que ça mériterait le nom de Conan? Est-ce que c'est vraiment un sous-Conan? Est-ce que... Moi, c'est un spin-off? Ça pourrait être, voilà, un spin-off. Ça aurait dû être un spin-off. Ouais. Voilà, le film, ça fait quand même un paquet d'années que je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de le voir avant l'enregistrement. Non, mais dans mon souvenir, effectivement, moi je sais que je l'ai re-regardé un petit peu avant le podcast. J'en ai des souvenirs épouvantables de ce film-là. C'est entre le jeu d'actrice, enfin le non-jeu d'actrice de Leslie Nielsen, entre comic relief. Brigitte, ouais. Attention. Leslie, oh, voilà. Il était bon, lui. Mais entre le comic relief joué par le Chevalier Lumière, qui était juste insupportable. Je suis d'accord. Donc Sandal Berman qui joue Valeria avant. Qui revient. Dans le rôle de la méchante reine sorcière lesbienne. Voilà. Tant qu'à faire. Hein. C'est ça. Qui a un masque qui change de côté en fonction des scènes. Hein, ce qui montre le. Ah non, mais c'est hallucinant. C'est Jim. Réalisé aussi par Fletcher, qui avait déjà réalisé donc Conan le Destructeur. Ouais. C'est un désastre industriel, ce film. Honnêtement, par rapport à Conan le Destructeur, je sais pas. Pour moi, les deux sont à peu près. Non, là, il y a des erreurs qui sont impardonnables. Comme je te dis, ne serait-ce que le masque de la méchante sorcière qui switch de côté. Tu payes des scripts pour éviter que ça arrive, quoi. Non, c'est vrai. Non, je te l'accorde. Enfin bon, bref, de toute manière, on va pas trop s'étendre sur ce dossier-là, juste pour signaler quand même la présence de Brigitte Nielsen, mais qui est très mauvaise dedans. Donc bon après, plastiquement, ça reste agréable à regarder. Je vais pas vous mentir. Voilà. Oh, j'ai jamais spécialement accroché. Hein, voilà, Brigitte Nielsen dans Le Flic des Beverly Hills 2. Même attention, là. Très gros dossier. J'avoue que ça m'a. Un dossier, t'es sûr? Oh là là là là, ça, c'est dossier ou autre. Non, elle était magnifique. Bref, voilà, on s'égare. Ça y est, je vais encore être ému. Bon, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que ça aurait pu être un Conan, mais que ça n'a pas été un Conan à cause d'histoire de droit. Et après, ben, on peut basculer sur un vrai Conan qui a été refait en 2011, avant de parler un peu de tous les nanars qui ont été faits dans les années 80, mais on va quand même se permettre de parler pour rester dans les vrais Conan, de Conan le Barbare, qui est sorti en 2011, c'est ça? C'est ça. Si je me souviens bien. Nous allons nous écouter la bande-annonce. C'est parti. Je vois un voyage. Un homme qui traverse les déserts. Un chevalier? Un guerrier, vos chemins se croiseront. Contemplez et lamentez-vous. Votre nouveau maître. Kala amplifie le pouvoir d'un mal indicible. Tu as réduit en esclavage tout le peuple d'Iboria. Nul homme ne doit vivre enchaîné. Garde, Kamar. Fuis, et je raserai les montagnes pour te retrouver. Donc, Conan le Barbare, écoute, Imraj, est-ce que tu peux nous parler de ce remake, justement? Ouais, donc ça, c'est vraiment dans la mode des années 2010, donc le remake du vieux film des années 80. Donc là, ils ont forcément pas pu faire appel à Schwarzenegger, hein, qui a bien vieilli. Donc ils ont pris un acteur qui correspondait assez bien, a priori, à l'image. Donc Jason Momoa, qui joue Khal Drogo, notamment sur Game of Thrones. Qu'ils ont, un film réalisé par Marcus Nispel et un scénario donc réécrit. Donc, aucun voilà, point commun avec... Aucun point commun, il n'y a pas de personnage commun. Et finalement, une histoire assez bateau, toujours avec une demoiselle en détresse. peut-être quelques similitudes avec le 2, on va dire. Mais voilà, donc c'est honnêtement un peu comme Conan le Destructeur. J'ai pas passé un mauvais moment. C'est un nanar qui est assez bien réalisé, qui a des scènes assez sympathiques, mais Jason Momoa qui correspondait très très bien à son rôle de Khal Drogo, voilà. Autant en tant que Conan, il est pas très impressionnant, il est pas très bon acteur. Je suis assez mitigé sur l'image qui en donne beaucoup plus d'humour, mais vraiment de l'humour premier degré. Bon voilà, donc c'est un film, j'irai pas dire aller le voir, mais si un jour vous vous intéressez un petit peu à la mythologie Conan, bon ben regardez-le quand même, ça reste pas forcément un très très mauvais événement, un très mauvais film à regarder quoi. Et on a oublié de parler d'un film. Exactement, j'allais te le dire, Spade. Parce qu'en fait, on aurait dû avoir un Conan 3 à l'époque. Voilà, en fait, qui aurait dû s'appeler Conan le Conquérant, qui, suite à la perte des droits du nom, ils ont décidé de changer de personnage. Donc Conan le Conquérant devait raconter l'histoire d'un barbare qui accédait au trône et qui subissait des machinations qui visaient à le faire tomber. Et Khal le Conquérant raconte l'histoire d'un barbare qui accède au trône et qui subit des machinations visant à le faire tomber. C'est là ma plus grande frustration sur les deux premiers films, c'est qu'ils se terminent toujours sur Conan un petit peu vieilli sur un trône. Et donc il y a le Akira qui dit mais ça c'est une autre histoire. Enfin voilà, il va devenir roi de son royaume. Le roi d'Aquilonia, oui. Voilà, mais ça c'est une autre histoire. Et en fait, en regardant le premier et le deuxième, on se dit mais c'est dommage qu'ils ne traitent pas de ça parce que ce serait vachement intéressant. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui était prévu la sextalogie. Mais donc, pour expliquer la qualité du film Khal le Conquérant, donc qui est sorti en 97, je vais juste vous dire les deux acteurs principaux, Kevin Sorbo, qui vient de Hercule, et Tia Carrère. Et voilà. Voilà, ça donne envie. Ouais. Tia Carrère. Oh là là là là, quelle actrice. C'était quoi? C'était les nouvelles aventures d'Indiana Jones. Sydney Fox. C'était quoi son... Voilà, Sydney Fox. Voilà, oh là, c'était... Ouais, et puis Kevin Sorbo, Hercule, donc là on aurait il manquait Xena la guerrière et c'est bon. C'était parfait, oui. Ouais. Xena. Moi je suis désolé, mais Xena pour moi c'est je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Ouais, il se passe quelque chose. Brigitte Nielsen pour moi. C'est ça. Okay. C'est ça. Ah oui, je serais plus Xena, dans la team Xena hein, quand même. Hein. Okay, ouais. C'est pas grave. C'était Brigitte. Voilà. Vas-y, on te la laisse. Ok, ça marche. Bon. Mais donc ouais. Le film était totalement épouvantable. Hein. C'est une réalisation, on voit qu'il y a à peu près 40 euros de budget pour tout le film. Ouais. Voilà, je pense. Donc, si vous avez l'occasion de le voir durant une soirée nanar avec des copains et des bières, faites-le, sinon évitez, hein, si vous êtes tout seul. Au moins 40 euros de bière. Hein, parce que voilà, c'est... au moins, par personne. Ouais. Bon, hormis ça, alors, on peut quand même rappeler un peu, lister les films qui se sont inspirés des corps huilés et des muscles saillants. On a eu en 1982 un Dar l'Invincible. Oh là là. Et ça, rien que le nom, j'avoue que c'est mon nom préféré. Dar l'Invincible, avec, donc, de 1982, comme je l'ai dit, traduction, entre guillemets, de Beastmaster. Rien à voir, mais bon, c'est pas grave, c'est voilà. Ouais, Die Hard, hein, piège de cristal. Ouais, c'est vrai. C'est... Donc, Dar l'Invincible avec, juste pour vous dire, avec Mark Singer, donc Donovan de V. Voilà, et Don Coscarelli à la réalisation. Certes. Donc, grand réalisateur. Bah, pour les amateurs de films d'horreur, il est emblématique réellement. Oui, mais pas pour ça. Voilà. Pas pour Dar l'Invincible. Non, là non. Là, non. Après, donc il faut savoir que Dar l'Invincible, il y en a quand même eu deux autres derrière, hein, dans les années 90. Oui. Donc Dar l'Invincible 2, Beastmaster 2, Through the Portal of Time et Dar l'Invincible. Le nom est vraiment mythique. Ouais. Le nom est mieux que le film, en fait. Enfin, et de souvenir, il y avait aussi une série télé. Mon Dieu. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu le personnage, par la série télé à la base. Mais c'était encore Mark Singer ou pas? Je peux pas dire, ça remonte à vraiment très longtemps. Parce que du coup, moi je me souviens de Dar l'Invincible film avec Mark Singer, mais la série télé, je ne saurais dire. On a aussi un film qui s'appelle Les Barbarians, oh, de 1987. avec des jumeaux assez barbares, justement, et violents dans ce film. C'est ce dont je me souviens principalement. Avec notamment voilà, un village de clowns et de saltimbanques, des poursuites dans des, pareil, des plaines à perte de vue, avec des embuscades, des coupages de tête, des coups de hache en polystyrène, enfin bon. Des gros budgets effets spéciaux sur les barbarians. Que citer d'autres, un Krull en 1983. Krull, ouais. Enfin, Krull en 1983 avec un Liam Neeson en mode inconnu. Il jouait un voleur qui va seconder le prince qui essaie de sauver sa belle. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'ils mettent en avant sur son CV actuellement. Mais j'ai revu le film il y a quelques mois et c'est quand j'ai vu Liam Neeson que j'ai fait oh la vache. Ça surprend de le voir dans ce film là. Bon, sinon on a un peu aussi, on a Barbarian Queen, on a Thor le guerrier. Alors Thor le guerrier, c'est pareil, ça c'est Spade, c'est le Thor qu'on a eu il y a pas très très longtemps dans un film. Non, la légende de Thor, ça a rien à voir ou c'est toujours. Je pense que non, ça a rien à voir, mais rien je pense que c'est dans la même lignée. Hein. Ouais. C'était quoi comme film j'ai eu ça. Bref. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a quand même eu un nombre de films inspirés par ce Conan le Barbare, de près ou de loin, absolument hallucinant. Et au final, gros point fort de Conan le Barbare, c'est que si on doit en retenir un seul, c'est celui-là, quoi. C'est lui qui a posé vraiment le. Alors le premier, pas forcément, parce que Dark l'Invincible, c'est à peu près en même temps. Donc on peut pas vraiment dire que Dark l'Invincible s'est fait suite à la création de Conan, quoi, tu vois. Peut-être qu'il s'est fait justement. Suite à la perte des droits sur. Je sais pas, c'est une suite. Le concept de base de Dar est à l'opposé total de ce qu'est Conan. Ah, oui. C'est simplement, il y a eu une petite mouvance heroic fantasy. Conan est arrivé au même moment. Et c'est Conan en fait qui a poussé tout le reste de la vague en avant. C'est ça. D'accord. Si Dark l'Invincible et Conan sont arrivés en même temps, l'existence de Dark l'Invincible 2, on la doit à l'existence de Conan. C'est ça. Pas de Dark l'Invincible 1. Ça a encouragé les investisseurs et autres à mettre un peu de sous dans des films qui auraient jamais vu le jour sans le succès de Conan. Ouais. S'ils se sont dit, oh là là, il y a un public, et bim, on y va. Voilà. Et puis voilà. Bon, et puis je me dois quand même de mentionner, alors c'est pas un film des années 80, mais. Le fabuleux Donjons et Dragons, donc sorti en 2000. C'est une trilogie, mais alors. Alors, moi je sais que j'étais allé voir au cinéma cette horreur. Et, et je dois vous dire que ça fait partie de mes souvenirs les pires de films vus au cinéma. Et il y avait Jeremy Irons dedans. Et j'aime bien cet acteur, mais c'est simplement pas possible. C'est il jouait le sorcier maléfique. Exactement. Et bien, il y avait un chauve qui était avec lui aussi, qui était impressionnant dans le film. Ah oui, non, mais enfin, après, si tu veux, j'ai pas revu depuis, hein, mais enfin, pareil, mais ça m'a marqué profondément. C'était une purge, et en plus, vraiment, il n'avait de Donjons et Dragons que le nom, quoi. C'était. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire mais que. Le pire, c'est qu'ils ont fait deux suites. Les deux autres ont dû peut-être sortir qu'en DVD directement. Peut être des directs. Chez nous, oui, mais après, aux États-Unis, je peux pas te dire. C'est quand même incroyable d'aller chercher une licence comme ça pour tromper les gens, finalement. Ça n'avait vraiment rien à voir. Ah, mais tu peux t'arrêter à ça n'avait. Hein. Ah ouais. C'était. Que je me trompe pas, hein. C'était bien, c'est contemporain. Hein. Fin 90, début 2000, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans l'histoire, c'est bien le truc où ils vont creuser. Je crois qu'il y a un chantier et il creuse. Ah non, rien à voir. Non, c'est pas ça. Je confonds. Ça, c'est l'âge du feu, un truc comme ça. Il se retrouve avec des dragons à notre époque. D'accord. C'est une histoire de sceptre magique, en fait. Un truc fantastique. Voilà, où il y a une des personnages qui veut se procurer le sceptre. Et du coup, il y a d'autres personnes qui briguent le même sceptre. Et envoie des guerriers, des acolytes du méchant, et puis ensuite, En fait, je me souviens d'une histoire, je te dis, de sceptres et de bâtons et qui passent leur temps à courir après ça, mais c'est ridicule. Enfin bref, j'avais été très très déçu parce qu'à l'époque j'étais à fond Donjons et Dragons en termes de jeux de rôle et autres. Et, enfin, bref, rien à voir. Voilà. Bon, sinon on va reparler quand même de choses un peu plus positives. On va évoquer d'autres aspects de Conan, à savoir par exemple tout le pan des comics de Conan. Donc Spades, je pense que tu as quelques dossiers à nous sortir sur des comics de donc, Conan. Donc alors, si je vous fais l'historique, on a un podcast d'à peu près 5-6 heures. On va faire une version Reader Digest. Voilà, donc je vais me concentrer vraiment sur trois parties des BD de Conan qui sont disponibles en français, tant qu'à faire. Tout d'abord, la série juste Conan, écrite par Kurt Busiek et dessinée par Kerry Knorr. Ça doit être en 6 volumes chez Panini. Ça reprend des histoires classiques de Howard et c'est vraiment très très bon à lire. Dans le même registre d'idées, on a une série un peu plus récente qui doit être en 3 tomes, écrite par Brian Wood et Becky Cloonan sous le titre Conan le Barbare, toujours chez Panini. Et enfin, vraiment le gros dossier, c'est donc l'intégrale chronologique de la série Savage Sword of Conan, qui a donc duré de 71 à 95 de mémoire. Ah oui. À la base édité par Marvel aux États-Unis, et c'est juste, on retrouve tous les plus grands noms dessus dans Savage Sword of Conan. C'est Roy Thomas qui est souvent le scénariste principal. On retrouve au dessin du Neil Adams, du Jill Kane, du Barry Windsor Smith, du Chen Buscema. En fait, que des grands noms du comics. C'est vraiment somptueux à lire. Ça a été édité à peu près 1 million de fois en France, sous tous les éditeurs, à toutes les époques. Et vraiment, si vous voulez lire du comics Conan et que vous êtes un nouveau lecteur de comics, allez plutôt vers les séries de Kurt Busiek et Brian Wood. Mais si vous êtes amateur de BD surtout, vraiment prenez l'intégrale que fait Panini de Savage Sword of Conan. D'accord. Okay. Et il y a des petites images brillantes aussi, ou avec un Conan qui... Non ? Parce que Panini, c'est bien ceux qui font les images du même nom. C'est la qui même ont chose. Fait les images, oui, oui. Enfin, qui font toujours, d'ailleurs. Enfin, c'est okay. La division comics, mais... D'accord, il y a une division comics chez Panini, je savais pas. Voilà, c'est eux qui publient tout ce qui est Marvel en France, notamment. D'accord. C'est pas eux les sandwicheries. Oh là là, non, je serais pas... Elle vient de trop loin, celle-là. Elle vient de trop loin, celle-là. Non, par contre... Faudra qu'un jour, Spades, je passe 2-3 mois chez toi pour lire tout ça, en fait, hein, parce que, voilà. Mais vraiment, si vous aimez les BD, la BD plus que le comics, vraiment, dirigez-vous vers... c'est les Chroniques de Conan, le nom des intégrales chez Panini. Prenez ça, parce que ça vaut vraiment le coup. Que ça soit graphiquement, que ça soit au niveau scénario, ça fait un peu désuet, mais franchement, c'est très agréable. On est sur quelque chose qui est proche de Raon et des choses comme ça, ou rien à voir ? Voilà, si, c'est vraiment, c'est, tu peux te lire ça entre 2-3 albums de Raon, les doigts dans le nez, quoi. D'accord. Sans dépaysement. Voilà. Eh ben, merci Spades pour cet aspect comics. En termes de jeux vidéo, alors on est obligé quand même d'en parler un petit peu parce que je pense qu'on a tous été marqués par un certain nombre de... Enfin, voire... Un jeu. Enfin, une saga. Voilà, une saga inspirée de Conan. Donc, Imraj, je sens que tu meurs d'envie d'en parler. Donc, allez, vas-y. Bah, moi, faut. Au moins sur le premier jeu, on laissera Spades pour évoquer un ou deux autres titres après. Mais vas-y, parle-nous. Ouais, ben, moi, en fait, voilà, dans le contexte, vous le savez, hein, je suis de 83. Et ma première machine, c'était un Amstrad CPC 464, suivi d'un Amiga. Et j'ai connu, donc très tôt et très jeune, la saga Barbarian. Et j'avoue que, malgré mon jeune âge, je prenais un malin plaisir juste à donner des petits coups de pied, enfin, de voir le gobelin traverser l'écran, ramasser un corps et donner des petits coups de pied dans la tête. Voilà, c'était le but ultime du jeu, c'était décapiter l'adversaire. Alors, ça peut paraître assez bizarre comme ça, sorti de ma bouche, mais voilà, grosso modo, c'était un jeu où deux barbares torse nu s'affrontaient. C'était un versus fighting, mais avec fighting avec des épées assez lents, hein, finalement. Ouais. Surtout sur Amstrad CPC. Ouais. Déjà, il fallait... En fait, les parties étaient au moins aussi longues que les temps de chargement. J'exagère à peine. c'était assez, assez excellent parce qu'il y avait tout un habillage. Donc la couverture, enfin la boîte du jeu était exceptionnelle. Donc c'était une illustration assez connue. Enfin voilà, je vous laisse. On se rappelle bien de la photo de la boîte. La description que tu faisais avec le barbare et la jeune femme accrochée à la jambe, c'était à peu près ça. Enfin, c'est un jeu, pour moi, c'est absolument mythique. Et c'est vrai que moi, quand on parle de barbare, en fait, je pense à ça avant de penser à Schwarzenegger, quoi. Et donc, la fameuse décapitation, effectivement, avec après le coup de pied dans la tête. Ouais. Bon, ok, bah écoute, ouais, ce Barbarian, je pense qu'on l'oubliera pas de sitôt. Par contre, moi, il y a un autre jeu où ce que j'associe de suite à Conan, c'est Golden Axe, quoi, tu vois. Ah oui, tout à fait. Pour le coup, s'il y a un jeu qui est... Alors j'ai pensé aussi à Altered Beast, mais Golden Axe, pour moi, c'est vraiment Conan, quoi. Parce qu'il y a les deux persos masculins, féminins, les décors, là où tu te balades, enfin c'est vraiment, il y a des grosses similitudes, je trouve, avec Conan. Ah oui, tout à fait, oui. Après, non, je suis d'accord avec ça. Après, moi, dans le même style que Golden Axe, mais en jeu solo pur, je pense aussi à Rastan, qui était donc... moi, j'ai connu la version Master System, mais il était aussi disponible sur CPC, Commodore 64 et ZX Spectrum. Donc, Rastan, c'est simple. Hein, c'est un jeu de plateforme où tu joues un barbare et tu dois passer 6 ou 7 mondes pour tuer un sorcier maléfique. Et le truc pour ce jeu, c'est que pour finir le jeu, tu as une seule vie, 3 continues et des hectolitres de sang. Sinon, dans d'autres jeux un peu plus récents, je pense à Gods, des Bitman Brothers... Exact. La musculature du personnage. Ah oui, tout à fait. Où on voyait jamais son visage, effectivement. Il y a Gods, ouais, c'est vrai. Et qui était aussi une belle performance technique à l'époque. Par contre, aucune musique. Je me souviens très bien parce que moi, j'aimais beaucoup les jeux où il y avait des musiques et pour le coup, Gods, aucune musique. Ah, t'entends que les pads voilà. Du type. Et écoute-moi. voilà, c'est ça. Ouais, Gods. C'est sympathique le son design. Bah, je crois que messieurs, on a balayé ce Conan. Je peux citer une dernière petite œuvre, histoire de changer de média encore. Oui. Bande dessinée. Mmh. Je ne sais pas si vous connaissez Kran le barbare. Donc bien. En fait, c'est une BD humoristique, hautement humoristique. C'est pas très très joli, mais alors j'ai lu ça il y a longtemps, mais c'était assez sympa. Donc ça raconte l'histoire de Kran, donc qui est vraiment très inspiré de Conan. Et il y a deux petites choses qui m'ont marqué au niveau de cette série. La première, c'est une citation. Il a une phrase, une catchphrase qu'il utilise en permanence. Elle dit grosso modo, il y a des jours où faut pas me chercher, et il y a des jours tous les jours. Donc ça, c'est de la philosophie barbare. et l'autre petite anecdote assez sympathique, c'est que, donc comme je vous ai dit, c'est très parodique, hein, et le tome 7 s'appelait à la base La Princesse Viagra, et en fait, ils se sont fait attaquer en justice par les labos Pfizer, et donc ils ont réussi à faire renommer la BD, donc ils l'ont appelée La Princesse de Mormoy, voilà. Honnêtement, alors je sais pas si ça vaut le coup d'acheter ça, parce que bon, c'est une BD assez anecdotique, mais si vous avez l'occasion de l'emprunter à la bibliothèque ou vous la faire prêter, c'est une lecture qui est assez rigolote, quoi. Voilà, c'est complètement stupide. En fait, il se fait bannir de son village parce que il est tenu pour responsable d'une malédiction qui réduit la taille du sexe de tout le village, et il doit partir pour trouver une solution, quoi. Voilà. Et donc, il rencontre une espèce de sous-fifre qui s'appelle Cunu, qui est forcément Cunu. Voilà. Donc, il y a une espèce de mélange entre Valéria et Xena la guerrière, qui a un nom assez félin, si je me souviens bien. Enfin, voilà, c'est très rigolo. Finir là-dessus, c'est sympa. Merci. Sur Cunu. Hein. Voilà, ouais. Finir sur Cunu, c'est magnifique. Rien de mieux, rien de mieux. Bon, bah merci messieurs en tout cas d'avoir évoqué cette belle saga Conan ensemble. Bah je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, à très très vite pour un nouveau cadeau bonus ou un nouveau numéro d'80s de podcast. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur notre site internet 80sdepodcast.fr, sur notre page Facebook ou sur notre Twitter. Et puis bon, on vous dit à très bientôt et puis on va se quitter sur une petite musique de Conan le Barbare, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Bon messieurs, à très bientôt. Ciao. Salut, salut, ciao. Salut tout le monde.